Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Là c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh. Français, sois clair. En vrai, j'ai passé l'âge de jouer. J'ai dit, toi et moi, on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ta présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi, tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi, doudou. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement. Doudou, tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie laisse tomber. Les soirs venus faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie laisse tomber. Les rageux nous pistent. Les rageux nous pistent. Longue est la liste. Longue est la liste. Pour mériter ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles. Maintenant à nous deux. Eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la fête, fête, fête. J'crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, non jamais. Aime-moi doudou. Aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou. Montre-le-moi. T'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus faut qu'on se mette à l'aise.